Il est bel et bon du compositeur français de la Renaissance Pierre Passereau. C'est interprété par l'ensemble anglais de King Singers et c'est extrait de leur album A Portrait of the King Singers, un album qui est paru en 1981. On poursuit avec The Orange Symphonette. Thank you.

miel, car on le mit dans une pile. Mort difficile, destin hâtif, destin hâtif, car il devint radioactif. Petite bombe nucléaire, quand tu descendras du ciel avec ta radioactivité, n'oublie pas mon voisin de palier. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté les beaux champignons que je vois en rêve et qui nous pend tous au bout du nez. Petite bombe bricoleur faisait un amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie. Question de travaux pratiques, il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire des expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Mais tout. Ben oui, pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se joue en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'a qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Ah ben, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours palpant avec amour ses atomes d'hydrogène pour se distraire en air limite et pétard sous son lit, mais il sourit à peine. Et puis un jour qu'il essayait de faire sauter le poulailler, il prit tout en pleine gueule. Alors, couvert de sparadrap, en buvant sans tilleul, tonton nous déclara à mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaie d'augmenter la portée de ma bombe, et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Tiens, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils s'est tous entrés, il les a enfermés en disant: soyez sages, mes petits agneaux. Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Ton devant ce résultat ne se dégonfla pas, joue à les andouilles. Au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui babafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu comme on a mes consciences. En détruisant tout cet ordi, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant lui fit immédiatement élever un monument. Et le pays reconnaissant l'élute immédiatement chef du gouvernement. Ouh là là là là là là là là là là, tonton.

coin and a slot, heat a wafer. So through the mezzanine, comb my hair. Have a discussion with the bellhop. Make a blow top with a bottle of nails. I hear the rain, I hear the rain, I hear the rain, gotta kill the pain. I hear the rain, I hear the rain, I hear the rain, gotta kill the pain. I hear the rain, I hear the rain, I hear the rain. And crawl back into my bed.